chez elle, ou sauce God Caliente, coach personnel. J'ai tendance à penser à toi quand je rêve. Rien ne presse pas le temps. C'est pas juste une question de vol. J'ai tendance à penser à toi quand je rêve. Rien ne presse pas le temps. C'est pas juste une question de vol. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas qu'une question de vibe, même si tu me donnes tant de vibe.